les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Après une première vie dans les journaux, en feuilleton, après une nouvelle vie en librairie, les Trois Mousquetaires allaient bientôt s'animer sur une scène de théâtre et plus tard au cinéma. Cinéma muet pour commencer, parlant ensuite. Il était évidemment impossible que la radio ne s'empare pas à son tour et très vite des aventures de D'Artagnan, Athos, Porthos et Aramis et de quelques autres personnages du roman. Les méchants comme les bons, les valets comme les puissants. Voici pour commencer les deux premiers épisodes d'une adaptation proposée par la chaîne parisienne en octobre 1953. Le feuilleton commence comme il se doit par le début du roman et très vite va apparaître l'homme de main. Le comédien qui l'interprète est fort identifiable. La radiodiffusion télévision française présente... Une émission d'Henri Spad. Robert Lamoureux, D'Artagnan et Jean-Richard Planchet dans Les Trois Mousquetaires. Adaptation libre mais fidèle du roman d'Alexandre Dumas par Jean Chouquet, Roger Pierre et Henri Spad. Avec Jean-Marc Thibault, Athos. Roger Pierre, Porthos. Robert Destin, Aramis. Athos, Porthos, Aramis et D'Artagnan, en avant! En avant! Musique originale de Gérard Calvi. Réalisation de Jean Chouquet. Le speaker n'est pas Charles Bassompierre. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, le feuilleton radiophonique Les Trois Mousquetaires, adapté des Trois Mousquetaires, que nous vous présentons aujourd'hui, respecte fidèlement l'histoire imaginée par Alexandre Dumas. Contrairement aux innombrables cinéastes qui se sont déjà penchés sur lui avant nous, nous n'avons pas transformé de fond en comble ce chef-d'œuvre du roman de cap et d'épée. Nous ne coupons pas notre récit au retour de Londres et nous ne ressuscitons pas Constance Bonacieux pour les besoins d'une fin joyeuse. Toutefois, les nécessités de la technique radiophonique, le souci de composer des émissions quotidiennes assez courtes, le désir de donner aux différents comédiens réunis pour votre plaisir l'occasion de s'exprimer complètement, nous ont amené... à supprimer le rôle de D'Artagnan. Mais non, monsieur le héros d'armes, non, nous n'avons pas supprimé le rôle de D'Artagnan. Qu'est-ce que vous racontez là? Voulez-vous donc me brouiller avec mon ami l'amoureux? Ah bon, bon, bon, monsieur Spad. Excusez-moi, monsieur Spad, moi, ce que j'en disais, c'est pour qu'on en parle, et si on en parle, c'est pour qu'on en cause. Bah, vous n'avez pas à causer pour l'instant. Vous n'allez tout de même pas m'interrompre à chaque fois que je veux expliquer quelque chose à nos auditeurs, non? En non, monsieur Spad. Bon, je disais donc que nous avons été amenés à choisir pour notre adaptation un style et un rythme destinés à vous faire plus souvent sourire que pleurer. Ah ben tant mieux, mais ne fais pas rire qui veut, enfin ne fais pas rire qui peut. Encore mais... vous? Oui. Mais allez-vous vous taire à la fin? Et tenez, prenez votre cheval, monsieur le héros d'armes, et filez sur la route de Tours. On aura bientôt besoin de vous là-bas, allez. Oui, monsieur Spad, bien monsieur Spad, tout de suite monsieur Spad, allez. U à spad. Oh pardon. U à cheval. Et bon, ça commence bien. Ceci dit, mes chers auditeurs, l'histoire nous appelle. Entrons dans l'histoire. Elle commence dans un rugueux château blotti contre la montagne grandiose, en ce Béarn d'où Henri IV partit à la conquête de la France, d'où aujourd'hui part D'Artagnan à la conquête de la gloire. Je n'ai mon fils à vous donner que 15 écus, quelques conseils et mon cheval. Ce cheval, mon fils, est né dans la maison de votre père, il y a tantôt 13 ans, ce qui doit vous porter à l'aimer. Ne le vendez jamais. Oui, papa. à la cour, ne supportez jamais rien que de monsieur le cardinal et du roi. Oui, papa. Vous êtes jeune, vous avez un jarret de fer et un poignet d'acier. Vous devez donc être brave, et cela pour deux raisons. La première, c'est que vous êtes gascon. La seconde, c'est que vous êtes mon fils. Oui, papa. J'ajoute un exemple. Et cet exemple, c'est celui de monsieur de Tréville, parti comme vous du pays, jeune, pauvre et fier. Il est maintenant capitaine des mousquetaires du roi. Gagne 10 000 écus par an. C'est donc un fort grand seigneur. Et qui plus est, gascon. Allez le voir avec cette lettre et réglez-vous en tout sur lui. Si vous voulez être grand à votre tour. Oui, papa. Mon fils, voici votre mère qui, elle aussi, tient à vous donner quelque chose. Mon enfant, voici la recette d'un certain baume que je tiens d'une bohémienne. Ce baume a la vertu miraculeuse de guérir toute blessure qui n'atteint pas le cœur. Merci, maman. Faites bien attention, mon enfant. Oui, maman. Ne prenez pas froid. Non, maman. Allez, monsieur mon fils, et que Dieu vous garde. Et que Dieu vous garde, monsieur mon fils. Au revoir, papa. Au revoir, maman. Et merci, papa. Merci, maman. Sur son vieux cheval jaune, D'Artagnan traverse la France. Les rues pures, la route est dure, je m'en vais à l'aventure. Pour moi, les oiseaux murmurent, ah, que j'ai donc fière allure. À jeu! Eh ben, sur ma foi, je n'ai jamais vu un cavalier aussi mal mis. Ah, ça se moquerait-on de moi? Poitiers! Je m'en vais à l'aventure, ah, que j'ai donc fière allure. Mon Dieu, ce cheval, c'est quelque figure du jugement dernier. Signons-nous. Pom, pom. Morble, maintenant, qu'est-ce à dire? Tout le soir! Eh ben, si c'est avec de pareils chevaux qu'on veut bouter les Espagnols hors des Pays-Bas, pauvre bidet, pauvre cavalier. Ah, ça, messieurs, ne me poussez pas à bout, sinon je descends le cheval. Il en descendit en effet ce jour-là, mais ce fut pour dîner à main en l'hôtellerie du Franc-Meunier, où, en attendant une voyageuse, de mystérieux seigneurs devisaient. Nous repartirons pour Paris dès que Milady sera arrivée. Monseigneur, admirez ce bel étranger. Monsieur D'Artagnan ! Mon Dieu, quel équipage ! Il y a donc représentation ici ce soir, qu'on nous envoie déjà le capitaine Matamor. Ce qu'il est drôle. Hé, hey, monsieur, qui avait l'air si guilleret. Dites-moi donc un peu de quoi vous riez que nous rions ensemble. Je ne ris pas souvent, monsieur, mais je tiens cependant à conserver le privilège de rire quand il me plaît. Et moi, monsieur, je ne veux pas qu'on rie quand il me déplaît. En vérité, monsieur, c'est parfaitement juste. Je vous salue, monsieur. Tout beau, monsieur le railleur, ne partez point. Allons, tournez, monsieur, tournez donc que je ne vous frappe pas par derrière. Me frapper? Moi? Morbleu, nous allons voir. En garde, monsieur l'impertinent. Je suis prêt, monsieur, et tant pis pour votre an. Madame Milady est en vue. J'ai bien dit, madame Milady. Milady? Ah, peste, il faut en finir. Voilà mes gens, qu'on me débarrasse de ce gentilhomme. Voilà, monseigneur. Avec nos meilleurs bâtons. La peste soit des Gascons. Remettez-le sur son cheval jaune et chassez-le. Mais pas avant de t'avoir tué, lâche. Encore une gasconnade? Encore une bastonnade. Un pleutre, nous verrons bien ce que monsieur de Tréville pensa de cette insulte faite à son protégé. Monsieur de Tréville? Diable, Tréville m'aurait-il envoyé ce Gascon? Monseigneur, c'est fait. Il est évanoui. Évanoui? Profitons-en, fouillez-le. Qu'est-ce que c'est? Une lettre pour Tréville. Donnez-moi ça, je la garde. Et maintenant, parons au plus pressé. Milady, il ne faut pas que ce diable de Gascon l'aperçoive. Oh, ma tête. Oh, où sont ces brutes? Oh, quelle est belle, cette dame. Je dépose mes hommages à vos pieds, madame. Ainsi, son éminence m'ordonne... De retourner à l'instant même en Angleterre et de la prévenir directement si le duc quittait Londres. Quant à mes autres instructions... Elles sont enfermées dans cette boîte que vous ouvrirez seulement de l'autre côté de la Manche. Très bien. Et vous, que faites-vous? Moi, je retourne à Paris. Sans châtier cet insolent petit garçon? Ah, c'est un selon petit garçon de châtier les autres, madame. Et cette fois, sous vos beaux yeux, celui qu'il doit châtier ne lui échappera pas. Ne lui échappera pas? Oh, devant une femme, vous n'oserez pas fuir, je présume. Vous en avez dit vrai. Monsieur, en garde! Je suis prêt, monsieur. Allons, monsieur, soyez prudent. Songez que le moindre retard peut tout perdre. Vous avez raison. Voilà, mon cheval. Partez donc de votre côté. Je veux du bien. Misérable lâche, tu fuis. Faux gentilhomme. Je te retrouverai et nous réglerons nos comptes. À Paris. Oh, ma lettre. On m'a volé ma lettre. Un forfait de plus. On veut m'abattre. Mais j'irai sans lettre chez monsieur de Tréville. Pendant ce temps-là, à Paris, un valet picard penché sur le pont neuf. Hé, là-bas, l'ami, qu'est-ce que vous faites? Je crache dans l'eau. Pourquoi faire? Pour faire des ronds. C'est un point de vue. Non, c'est une occupation. Au même instant, rue Férou, au cabaret ici à l'enseigne de la Pomme de Pin. Trois mousquetaires du roi, Athos, Porthos et Aramis, sont aux prises avec les gardes du cardinal qui menacent de les arrêter. Nous arrêter, nous! Ah, la chose est plaisante en vérité! Plutôt mourir! Pour l'or, préparez-vous, messieurs! Soit entendu! Ah, Aramis! Oui! Je suis blessé! Blessé, Athos, mais vengé! C'est un mort qui tombe à vos pieds! Un mort! Ça commence bien! Ça commence bien, ça, on le verra la prochaine fois! C'était. Les Trois Mousquetaires! Avec aujourd'hui Noël Roquevert, Monsieur d'Artagnan, Mona Goya, Madame d'Artagnan, Louis de Funès, l'homme de main, Christiane Lénier, Milady, Jacques Provins, Jussac. Avec évidemment les valets bons à tout faire, Max Desraux, Robert Rollis et Nono Zamit. Le son était pris par Jean de Landuc, assisté de Charles Marié et Yves Le Rouzès. Les bruits étaient l'œuvre de M. Gabriel de Rivage. Et le héros d'armes, qui est-ce? Guy Lionel. La radiodiffusion Télévision Française présente... Une émission d'Henri Spad. Robert Lamoureux, D'Artagnan et Jean-Richard Planchet dans Les Trois Mousquetaires. Adaptation libre mais fidèle du roman d'Alexandre Dumas par Jean Chouquet, Roger Pierre et Henri Spad. Avec Jean-Marc Thibault, Athos. Roger Pierre, Porthos. Robert Destin, Aramis. Athos, Porthos, Aramis et D'Artagnan, en avant! En avant! Musique originale de Gérard Calvi. Réalisation de Jean Chouquet. Le speaker n'est pas Charles Bassompierre. Donc, D'Artagnan, fils d'un gentilhomme gascon, est envoyé par son père à M. de Tréville, capitaine des mousquetaires du roi. En chemin, très exactement à Main, petite bourgade située aujourd'hui dans le Loiret, le jeune D'Artagnan a été dépouillé par un mystérieux seigneur de la lettre qui le recommandait à M. de Tréville. C'en est trop peu pour l'empêcher de partir à la conquête de la capitale. Ça commence bien. J'ai perdu ma lettre, j'ai dû vendre ce maudit cheval. Enfin, Me voici à Paris, dans une bonne ville. Cherchons d'abord l'hôtel de Monsieur de Tréville. Portons au capitaine une santé fort civile. Oh, les cœurs d'Artagnan et pas les imbéciles. Hé là, que faites-vous? Moi, je crache dans la Seine. Ah, curieuse idée. Ouais. Toi, Seine, tu n'es rien. Deux quais, voilà tout. Deux quais crasseux cernés de l'un à l'autre bout d'affreux bouquins moisis et d'une foule insigne qui fait dans l'eau des ronds et qui pêche à la ligne. Mais je pêche pas à la ligne, moi. Non, mais vous faites des ronds. Ah, d'être à Paris, qu'il fait bon, surtout quand on est gascon. Les complètement fous, ce type-là. Comme il n'était bruit dans Paris que de l'hôtel de Tréville, D'Artagnan l'eut vite trouvé. Ah, oh, messieurs, le cardinal vieilli. De grâce, ayez pitié de lui. Parbleu, il a les jambes cagneuses et le dos quelque peu voûté. Pardon, messieurs, suis-je bien dans l'hôtel de monsieur de Tréville? Je l'homme, avec tous ces mousquetaires, vous croyez-vous donc que c'est le cardinal ou c'est une couvente de nonnes? C'est que je viens pour la première fois à Paris pour voir monsieur de Tréville, alors vous savez. Suivez-moi, je vais vous guider jusqu'à son antichambre. Alors, les ferrailleurs, allez-y, vous passez. Ce grand là-bas, c'est monsieur Porthos, une des plus brillantes de l'âme. Ah, c'est monsieur et l'autre. Le petit, c'est monsieur Aramis, une de nos lames les plus fines. Tiens, monsieur Porthos porte un baudrier neuf. Un baudrier d'or, que voulez-vous, la mode en vient? C'est une folie, mais c'est la mode. Il faut bien employer à quelque chose l'argent familial. Porthos, n'essayez pas de nous faire croire que ce baudrier vous vient de la générosité paternelle. Hein? Il vous aura été donné par la dame voilée, en compagnie de qui je vous rencontrais l'autre dimanche, vers la porte Saint-Honoré. Oh, sur mon honneur, foi de gentilhomme, je l'ai payé 12 pistoles, n'est-ce pas, Aramis? Mais c'est la vérité même. Cependant, Aramis, vous saviez quelques nouvelles de ce duc de Rochefort, et vous ne m'en avez rien dit. C'est que je n'avais rien à en dire. Rien. Vraiment. Peste. Ce Rochefort, cet homme damné du cardinal, espionne un gentilhomme, lui vole sa correspondance, et grâce à elle, fait couper le cou à Chalais, sous prétexte qu'il a voulu tuer le roi et marier monsieur la reine, et vous n'avez rien à en dire. Morbleu, si moi, Porthos, j'étais l'écuyer du pauvre Chalais, ce Rochefort passerait un mauvais quart d'heure. Et vous passeriez un triste moment avec le duc rouge. Qui est le duc rouge? Le cardinal, voyons. Le duc rouge. Oh, bravo, le duc rouge. A-t-il de l'esprit, cet Aramis? Comme il est dommage que vous n'ayez pas pu suivre votre vocation, mon cher. Quel délicieux abbé vous eussiez fait. Ce n'est qu'un retard momentané. Je le saurai un jour. Je continue à étudier la théologie pour cela. Et quand le serez-vous, monsieur? Quand la reine aura donné un héritier à la couronne de France. Oh, ne plaisantez pas là-dessus, Aramis. Grâce à Dieu, la reine est encore en l'âge d'en donner. Il est vrai. On dit que monsieur de Buckingham est en France. Oh, Aramis, mon ami, votre manie d'esprit vous entraîne toujours au-delà des bornes. Si monsieur Tréville vous entendait, grand Dieu, vous seriez malvenu de parler ainsi. Mais me feriez-vous la leçon, Porthos? Oui. Ah, vous êtes prétentieux comme Narcisse. Non. Je serais peut-être abbé s'il me convient. En attendant, je suis mousquetaire, et en cette qualité, je dis ce qu'il me plaît. Pour lors, il me plaît de vous dire que vous m'impatientez. Aramis! Porthos! Monsieur, monsieur! Ah, messieurs! Pensez à tous! Monsieur d'Artagnan demandé par monsieur de Tréville. Eh, vous voyez, ça n'a pas été long. Monsieur de Tréville demande monsieur Athos, Porthos et Aramis. Il n'est pas là, monsieur Athos? Tant pis. Savez-vous ce que m'a dit le roi, et cela pas plus tard qu'hier soir? Le savez-vous, messieurs? Mais non, monsieur. Nous l'ignorons. Il m'a dit qu'il recruterait désormais ses mousquetaires parmi les gardes du cardinal. Parmi les gardes du cardinal? Et pourquoi cela? Parce qu'il voyait bien que sa piquette avait besoin d'être ragaillardie par un mélange de bon vin. Oh, que je suis gêné d'assister à tout ça. Sa majesté a raison. Sur mon honneur, les mousquetaires font triste figure à la cour. Hier, monsieur le cardinal avait un air de condoléance et un ton railleur qui me déplure fort. Il se vantait qu'avant-hier, ces damnés mousquetaires, ces diables à quatre, ces pourfendeurs, s'était attardé rue Férou dans un cabaret et qu'une ronde de ses gardes avait été contrainte d'arrêter les perturbateurs. Arrêter des mousquetaires! Morbleu! Vous devez en savoir quelque chose, vous en étiez. Le cardinal vous a nommé. Porthos, Aramis et Athos. Mais au fait, où est Athos? Monsieur Athos est malade, fort malade. Et de quelle maladie est-il malade? On craint que ce ne soit de la petite vérole. Ah, ça tombe bien. Ce qui serait fâcheux, en ce que très certainement se le gâterait son visage. De la petite vérole! Voilà encore une glorieuse histoire. Athos malade de la petite vérole à son âge. Non pas, mais blessé, sans doute tué peut-être. Ah, si je le savais. Ainsi, messieurs, 6 gardes de son éminence arrêtent 6 mousquetaires de sa majesté. Et ceux-ci, au lieu de se faire tuer sur place comme l'auraient fait les gardes de son éminence, se sauvent, détalent, fuient sans demander leur reste. Ah, morbleu, j'ai pris mon parti. Je vais de ce pas au Louvre rendre ma charge de capitaine des mousquetaires du roi et quérir une lieutenance dans les gardes du cardinal. Et s'il me refuse, morbleu, je me fais curer. Décidément, ça s'arrange pas. Mon capitaine, c'est trop d'injustice. À la fin, il est vrai que nous étions 6 contre 6, mais nous avons été pris en traître. Avant que nous eussions eu le temps de tirer nos épées, 2 d'entre nous étaient tombés morts. Et Athos, blessé grièvement, ne valait guère mieux. 2 fois, il a tenté de se relever, Athos. Et 2 fois, il est retombé. Mais nous ne nous sommes pas rendus, oh non. On nous a entraînés de force et nous nous sommes échappés en chemin. Et j'ai l'honneur de vous assurer que j'en ai tué 1 avec sa propre épée. La mienne s'étant brisée dès la première parade. C'est vrai. Tuez ou poignardez, monsieur, comme il vous sera agréable. Que le cardinal avait exagéré, à ce que je vois. Non, de grâce, monsieur, ne dites pas qu'Athos est blessé. Il serait au désespoir que cela parvint aux oreilles du roi. D'autant que sa blessure est grave et qu'il est à craindre. Monsieur Athos, en retard et blessé. Athos! Athos! Athos! Vous m'avez fait demander, monsieur. Me voilà. Ah, ça doit être le 3e. Athos, votre main, mon brave. Oh. Morbleu, Athos s'évanouit. Vite, un chirurgien, le mien, celui du roi, le meilleur. Oui. Un chirurgien ou sans Dieu, mon brave Athos va trépasser. Monsieur le chirurgien, demandé par monsieur de Tréville. Faites vite. Il faut transporter le blessé sur le lit de la pièce voisine. Aramis, Porthos, portez votre camarade dans ma chambre. Nous le sauverons, monsieur. Eh bien, qu'est-ce, monsieur? Mais rien, monsieur, je tousse. Oh, pardon, mon cher compatriote, je vous avais complètement oublié. Un capitaine n'est rien qu'un père de famille, les soldats sont de grands enfants. Mais comme je tiens à ce que les ordres du roi soient exécutés... Oui, bien sûr, monsieur. Vous ne m'avez pas l'air sot, jeune homme, et j'ai beaucoup aimé votre père. Cependant, il est regrettable que vous n'ayez pas une lettre de lui à mon adresse, et je m'étonne que vous ayez entrepris un aussi long voyage sans ce viatique. Notre seule ressource à nous autres, Béarnais. Mais je l'avais, monsieur, et Dieu merci, en bonne forme. Mais on me l'a perfidement dérobé. Vraiment? Mais que vois-je là, par votre fenêtre? Mais c'est lui! Mais c'est mon voleur! Ah, traître, je te retrouve! Pardonnez-moi, monsieur de Tréville, j'en reviendrai. Ah, sans Dieu, cette fois, tu ne m'échapperas pas! Ne lui échappera pas, ça, on le verra la prochaine fois. C'était... Avec aujourd'hui Raymond Souplex, Monsieur de Tréville. Avec évidemment les valets bons à tout faire, Max Desraux, Robert Rollis et Nono Zamit. Le son était pris par Jean de Landuc, assisté de Charles Marié et Yves Lerouzès. Les bruits étaient l'œuvre de Monsieur Gabriel de Rivage. Et le héros d'armes. Qui est-ce? Guy Lionel! Ces premiers et deuxième épisodes des Trois Mousquetaires dans une adaptation de Jean Chouquet, Henri Spade et Roger Pierre, feuilleton réalisé par Jean Chouquet, ont été diffusés pour la première fois sur la chaîne parisienne les 12 et 13 octobre 1953. pour faire connaissance des puissants, le cardinal de Richelieu, Anne d'Autriche par exemple. C'est tout simple, il suffit d'écouter le quatrième épisode d'une autre version, une version antérieure. Adapter, c'est prendre le meilleur, et le meilleur, c'est Dumas. Version antérieure, puisque produite par le Club d'essai et diffusée sur la chaîne nationale le 4 octobre 1946. Une version quelque peu Elsa Popienne. Les Trois Mousquetaires, d'après le roman d'Alexandre Dumas. Adaptation radiophonique de Pierre Latour. Musique de Jacques Tritch. Avec les compagnons de route. Et Jacques Tufilo. Louis Fouquet. Pierre Latour. Et André Nicard. Mise en onde de Maurice Cazeneuve. Quatrième épisode. Aussi vrai que le soleil est clair, qu'une hirondelle ne fait pas le printemps, qu'on peut vivre d'amour et d'eau claire, qu'avant de courir il faut partir à temps. Aussi vrai qu'elle est ronde la terre, qu'un beau mentir celui qui vient de loin. Il existe trois mousquetaires, qui étaient quatre ni plus ni moins. Qui étaient quatre ni plus ni moins. Le premier c'est Athos, le deuxième c'est Porthos. Ah là là, ah là là, la belle équipe. Le troisième Aramis, le quatrième D'Artagnan. Cogne et tripe pour fond, et tripe pour fond, et tripe. Que se passe-t-il? Un orage. Quel orage? Il n'y a pas d'orage. Pourquoi ne commence-t-on pas? Avec ce vacarme. Eh ben allez quoi, les auditeurs attendent, parlez voyons. Je peux pas. Vous ne pouvez pas parler? Non. Une seconde, mes enfants. Je vous demande mille fois pardon, Qu'est-ce que c'est? Qui parle? Encore un incident technique. Excusez-moi, mes enfants, et surtout ne vous affolez pas. Je vous parle du ciel. Du ciel? Oui, je suis Alexandre Dumas. Est-ce que vous m'entendez? Alexandre Dumas. Est-ce que vous m'entendez? Oui, maître. Mais parfaitement, maître. Ça alors. Oh, ne vous affolez pas, je vous en prie. Je suis très content de pouvoir bavarder avec vous. Je vous connais parfaitement tous autant que vous êtes. Ici, nous entendons très bien les émissions de la chaîne d'essai. Mieux que les autres chaînes. Nous aimons beaucoup la radio et ça nous change. Ici, on abuse un peu de la musique religieuse, vous comprenez? Alors nous vous écoutons souvent. Personnellement, je suis très intéressé par le travail que vous faites avec mes trois mousquetaires. Oh, maître, nous ne sommes que des serviteurs indignes. Bien entendu. Mais enfin, c'est amusant. Et dites-moi, puisque je vous tiens, que dit-on de moi sur la Terre? Oh, maître, vous êtes dans tous les cœurs. Vos lecteurs sont millions. Les enfants vous adorent. Et les grandes personnes ne peuvent se passer de vous. Vous êtes trop bons, mes amis. Mais dites-moi, ne m'accuse-t-on pas d'inexactitude? Ne dit-on pas que la fantaisie la plus grande préside à mon interprétation de l'histoire? Oh, maître, les chartistes, les trop savants disent cela. Mais qu'importe, vous avez pour vous les enfants et les poètes. Vous peuplez des millions de rêves, des millions de cœurs. Ah, je suis bien content. Excusez-moi, il faut que je vous quitte. Gabriel réclame la ligne. N'entendrai-je pas bientôt les grands de l'histoire? Louis XIII, Richelieu, Anne d'Autriche, Buckingham? Tout de suite, maître. Nous en sommes justement au moment où Anne d'Autriche et le duc de Buckingham entrent en jeu. Ah, Buckingham, quel homme! Et comme Anne était belle. Eh bien, je leur cède la place. Si je puis encore parler, je... On a coupé. Ce doit être Gabriel. C'est prodigieux, dit donc. Nous en parlerons de ça après l'émission. Hein. Continuons, mes enfants. Anne d'Autriche, Milord de Buckingham, c'est à vous. Duc, ne me parlez pas de cette soirée. Ah, parlons-en au contraire, madame. C'est la soirée heureuse et rayonnante de ma vie. Vous rappelez-vous la belle nuit qu'il faisait? Ah, cette fois, majesté, vous étiez prête à tout me dire. Souvenez-vous, madame, vous étiez appuyée à mon bras. Je sentais vos cheveux effleurer mon visage. Oh, reine, tout ce qui me reste de jours à vivre pour une semblable nuit, car cette nuit-là, madame, cette nuit-là, vous m'aimiez. Milord, il est possible que ces mille circonstances qui se réunissent parfois pour perdre une femme se soient groupées autour de moi dans cette fatale soirée. Mais vous l'avez vu, Milord, la reine est venue au secours de la femme. Au premier mot que vous avez osé, duc, j'ai appelé. Oui, oui, cela est vrai, mais je suis revenu. Et cette fois, vous n'avez rien trouvé à me dire, madame. J'avais risqué ma faveur, ma vie, pour vous voir une seconde. Et vous m'avez pardonné, en me voyant si soumis et si repentant. Mais la calomnie s'est emparée de toutes ces folies dans lesquelles je n'étais pour rien, vous le savez, Milord. Et lorsque vous avez voulu revenir comme ambassadeur en France, le roi lui-même s'y est opposé. Oui, et la France va payer d'une guerre le refus de son roi. À cette guerre, il faudra une paix. À cette paix, un négociateur. Et ce négociateur sera moi. Alors je reviendrai à Paris. Alors je vous reverrai. Alors je serai heureux, madame. à en mourir. Milord, toutes ces preuves d'amour que vous voulez me donner sont presque des crimes. Hélas, madame, votre cœur est de pierre. Mais qu'importe, on m'a attiré dans un piège. J'y laisserai peut-être ma vie, car, tenez, c'est étrange. Depuis quelque temps, j'ai le pressentiment que je vais mourir. Eh bien, moi aussi, duc. J'ai des pressentiments. J'ai songé que je vous voyais couché, sanglant, frappé d'une blessure. Vous m'aimez, ô reine, et vous me pleurerez. Oh, mon Dieu, c'est plus que je n'en puis supporter. Tenez, duc, au nom du ciel, partez. Je ne sais si je vous aime ou si je ne vous aime pas. Mais ce que je sais, c'est que je ne serai point parjure. Prenez donc pitié de moi et partez. Oh, si vous étiez frappé en France, je ne m'en consolerais jamais. Partez donc, je vous en supplie. Oh, que vous êtes belle ainsi et que je vous aime. Partez, je vous en supplie, revenez plus tard. Revenez, entouré de serviteurs qui veilleront sur vous. Et alors, je ne craindrai plus pour vos jours et j'aurai du bonheur à vous revoir. Oh, madame, eh bien, un gage de votre indulgence, un objet qui me vienne de vous et qui me rappelle que je n'ai pas fait un rêve. Et partirez-vous si je vous donne ce que vous me demandez? Oui. Vous quitterez la France, vous retournerez en Angleterre. Oui, je vous le jure. Alors, Milord Duc, prenez ces ferrets et gardez-les en souvenir de moi. Oh, madame. Vous m'avez promis de partir. Et je tiens ma parole. Votre main, madame. Et je pars. Adieu. Non, pas adieu. Avant 6 mois, je vous aurais revu, madame. Dussé-je bouleverser le monde pour cela? C'est encore Alexandre Dumas qui vous parle. Gabriel vient d'être appelé chez le patron et j'en profite. Vous savez, c'est très émouvant. Ici, tout le monde pleure. Et c'est moi qui ai écrit cela. C'est vous, maître. J'avais oublié depuis le temps. Et je pensais que l'adaptateur... Adapter, c'est prendre le meilleur, maître. Et le meilleur, c'est toujours vous qui l'apportez. Vous êtes trop aimable. Quand vous viendrez au ciel, n'oubliez pas de me rendre visite. Les chanteurs également. Ici, nous avons des chorales de séraphins, mais nous n'avons pas de si bons quatuors. Mais je vous en prie, continuez mes enfants. À bientôt et bonne chance. Nous référant au désir d'Alexandre Dumas père, voyons ce qui fait pâlir le mari de la mercière. C'est de Monsieur Bonacieux qu'il s'agit pour le quart d'heure. C'est dans un bien triste lieu qu'en ce moment il demeure. De la Bastille on le sort, après interrogatoire, on l'emmène à demi-mort dans une voiture noire. Ça y est, c'est mon dernier jour. Mais non, derrière une table, le cardinal à son tour l'attend d'un air redoutable. Faites entrer Monsieur Bonacieux, et surtout qu'il ne sache pas qui je suis. Bien, monseigneur. Monsieur Bonacieux, vous êtes accusé de haute trahison. Vous avez conspiré avec votre femme, avec Madame de Chevreuse et avec Milord, duc de Buckingham. En effet, monsieur, j'ai entendu ma femme prononcer tous ces noms-là. Elle disait que le cardinal de Richelieu avait attiré le duc de Buckingham à Paris pour le perdre et perdre la reine avec lui. Fort bien. Cet imbécile ne sait pas qui je suis. Elle disait cela? Oui, monsieur, mais je lui ai dit que son éminence était un catin. Taisez-vous, vous êtes un imbécile. C'est justement ce que ma femme m'a répondu. Quand vous alliez chercher votre femme au Louvre, revenait-elle directement avec vous? Oh, presque jamais. Elle avait affaire à des marchands de toiles chez lesquels je la conduisais. Où demeure-t-il? L'un, 25 rue de Vaugirard, et l'autre, 75 rue de l'Art. On sait bien. Allez me chercher le comte de Rochefort, qu'il vienne à l'instant même. Le comte est là, il demande instantanément à parler à votre éminence. Qu'il vienne alors, et emmenez cet imbécile à côté. Monsieur le comte de Rochefort! Mort de tous les démons, ventre bleu, c'est son homme. C'est l'homme noir de Meung qui vient d'entrer soudain. Mais le brave D'Artagnan n'étant pas là, en somme, ce n'est pas aujourd'hui qu'il mourra de sa main. Ils se sont vus. Qui? Le duc de Buckingham et la reine. Vous en êtes sûr? Parfaitement sûr. Qui vous l'a dit? Madame Delannoy, qui est tout à votre éminence, comme vous le savez. Ah, pourquoi ne l'a-t-elle pas dit plus tôt? Soit hasard, soit méfiance, la reine a fait coucher Madame Delannoy dans sa chambre et l'a gardée toute la journée. C'est bien, nous sommes battus. Tâchons de prendre notre revanche. Je vous y aiderai de toute mon âme, monseigneur, soyez tranquille. Madame Delannoy est sûre que la reine a remis au duc un coffret de bois de rose contenant les ferrets en diamant dont lui fit cadeau le roi. Si cela est sûr, tout n'est pas perdu. Cela est sûr, monseigneur. Je l'espère pour vous, Rochefort. Je vais réfléchir à cela. En attendant, prenez 10 hommes et fouillez le numéro 25 de la rue de Vaugirard et 75 de la rue de l'Arpe. J'ai tout lieu de croire que la duchesse de Chevreuse et de Buckingham s'y sont cachés. Vous voyez s'ils n'ont rien laissé de compromettre. J'y vais, monseigneur. Faites entrer, monsieur Bonacieux. Monsieur Bonacieux, vous m'avez trompé. Votre femme, en allant rue de Vaugirard et rue de l'Harpe, n'allait pas chez des marchands de toile. Ciel, le cardinal, je le reconnais maintenant. Et où allait-elle, juste Dieu? Chez la duchesse de Chevreuse et chez le duc de Buckingham. Oui, oui, c'est cela. Votre éminence a raison. Ah, vous êtes bien le grand cardinal, l'homme de génie que tout le monde révère. Relevez-vous, mon ami. Vous êtes un brave homme. Votre main? Le cardinal m'a touché la main. J'ai touché la main du grand homme. Le grand homme m'a appelé son ami. Oui, mon ami, je vous ai soupçonné injustement. Prenez ce sac de 100 pistoles. Oh. Pardonnez-moi. Oh, que je vous pardonne. Mais vous êtes libre de me faire arrêter, torturer, pendre. Vous pardonnez, monseigneur. Ainsi, vous vous en allez sans être trop mécontent? Je m'en vais enchanté, monseigneur. Adieu donc, ou plutôt au revoir, car j'espère que nous nous reverrons. Au revoir, monsieur Bonacieux, au revoir. Bien, voilà désormais un homme qui se fera tuer pour moi. Et quant à vous, reine de France, gardez-vous bien. Là, c'en est fait, la machine est en marche. Voici venir la conspiration. Ô noble reine, surveille ta démarche. À tes soupirs, fais bien attention. Le cardinal vient de signer ta perte en libérant la femme Bonacieux et en lâchant sur ta faiblesse offerte l'homme de main gai, sinistre et audacieux qui, justement, s'en revient en ces lieux. Eh bien, Rochefort. Eh bien, une jeune femme et un jeune homme ont logé effectivement dans les maisons indiquées par votre éminence. Mais la femme est partie cette nuit et l'homme ce matin. C'était eux. Et maintenant, il est trop tard pour leur faire courir après. C'est à Londres qu'il nous faudra atteindre Buckingham. Quels sont les ordres de votre éminence? Pas un mot de ce qui s'est passé. Surtout, Rochefort, que la reine ne se doute de rien. Je verrai le garde des Sceaux saigner. Faites venir Vitray. Et ce Bonacieux, qu'en fait votre éminence? J'en ai fait ce qu'on pouvait en faire, l'espion de sa femme. Entrez, Vitray. Allez, Rochefort, et à bientôt. Vitray, vous allez partir tout courant pour Londres. Vous ne vous arrêterez pas un instant en route. Vous remettrez cette lettre à Milady de Winter. Voici un bon de 200 pistoles. Passez chez mon trésorier et faites-vous payer. Il y en a autant à toucher si vous êtes de retour dans 5 jours et si vous avez bien fait ma commission. Allez. C'est encore moi. Oh, c'est passionnant. Mais les gens qui vous écoutent aimeraient bien connaître le contenu de la lettre que le cardinal vient de remettre à Vitray. Certainement, maître, et nous allions le leur révéler. Oh, laissez-moi le plaisir de le faire moi-même. Hein? Voyez-vous, la mémoire m'en revient. Oh, il y a pourtant bien longtemps de cela. Attendez donc, cette lettre... Milady, soyez au premier bal où se trouvera le duc de Buckingham. Il aura à son pourpoint 12 ferrets de diamants. 12 ferrets de diamants... Approchez-vous de lui et coupez-en 2. Aussitôt que ces fers seront en votre possession, prévenez-moi. Bravo, maître, c'est exactement cela. C'est que tout ceci me rajeunit. Les 3 mousquetaires. Et dites-moi, que devient donc mon brave D'Artagnan? D'Artagnan? Sans détour. Lâché dans cette aventure sur la piste des vilains, il va avoir la vie dure, mais son courage ne sera pas vain. Vite au secours de la reine et du duc de Buckingham. De Buckingham, il ira l'âme sereine comme un bon coursier fringant. De peur que notre présence soit infortune à ses yeux, quittons-le dans le silence, pour aujourd'hui nous lui disons adieu. Vous venez d'entendre le 4e épisode des 3 mousquetaires. N'oubliez pas de prendre l'écoute vendredi prochain à la même heure. Cet épisode, dans une adaptation proposée par le Club d'essai, a été diffusé pour la première fois sur la chaîne nationale le 4 octobre 1946. Vous pourrez réécouter cette émission en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.